dire pardon ne soulagera pas mon mal-être. Ces maux de tête, me dire merci ne soignera pas ce mal de vivre. Péché et suicide, alors j'écris des lettres. Au nom de Dieu, miséricordieux, souffrance autour de mon être. Seul chemin de croix, croire en Allah, sauver le monde pour arrêter de souffrir de ce mal-être. Pieux, prêtre ou prêcheur, si tu veux, pieux, en plein cœur, dans mes paroles la fraîcheur, pour jeune ou vieux, en vieux, j'enrôle, pas un jeu de rôle, la tête dans les étoiles, les yeux levés vers les cieux, mesdames, messieurs, longtemps qu'on sature, alors l'état nous ceinture, alors on peut plus serrer la ceinture, ça tire, ou martyr, rien que ça tire, enterrant la hache de guerre, envoyer ses gosses à la guerre. Triste est le constat, le combat, le message, mauvais présage dans le paysage, mon élim. Ah, mon image, comment dire, à mon âge, rester sage, je veux rester sage. Déposons les armes, de faire couler les larmes. Dépassons les barrières, rétrograder dans le rétro, regarder derrière. Revenir en arrière, la vie pas qu'une carrière. Briser la matière, je brise. Ouais, un cierge pour ceux qui sont partis. Au nom de la patrie, rapatrier aussi ceux qui s'en sont sortis. Me parler racaille pour être mon ami, ou faire l'ennemi, ami. Aisé ou en chien, représente pour les nôtres. Le respect commence par nettoyer devant sa porte avant celle des autres. Fornication, éducation, dénonciation. Alors, ouais, j'ai besoin de te donner la leçon. Alors, leçon, par que pour les sous, sans dessus dessous. S'en suit tout ce qui s'ensuit, paraît brûle comme le souffle. Dans la sueur, on souffre. Ouais. Éduquer comme avec la louve, Caïn ou Abel, païen, Jézabel. Faire la pute comme Isabelle, la vie est belle. Ne pas manger de ce pain-là, à ce point-là, je ne sais pas. Gros. Ouais, déposons les armes, de faire couler les larmes. Dépassons les barrières, rétrograder dans le rétro, regarder derrière. Revenir en arrière, la vie pas qu'une carrière. Briser la matière, je brise. Déposons les armes, de faire couler les larmes. Dépassons les barrières, rétrograder dans le rétro, regarder derrière. Revenir en arrière, la vie pas qu'une carrière. Briser la matière, je brise. Aïe, aïe.